courant d'air. Les arbres dénudés dressaient leurs silhouettes sombres. Quelques corbeaux cherchaient une nourriture qui se raréfiait. Dès 4 heures, le jour déclina. À l'intérieur de la maison, chacun s'occupait selon son humeur. L'une tricotait, un autre lisait, un troisième construisait une maquette. Quant à moi, j'écrivais. Nous étions le 24 décembre et le déroulement du temps paraissait interminable. Nous attendions minuit avec impatience et les aiguilles de la pendule semblaient arrêtées. Soudain, nous entendîmes une voix caverneuse comme venue d'outre-tombe qui disait « Je suis fourbu, je suis très las, je voudrais que l'on me seconde pour ne plus perdre une seconde dans ma distribution de joujou. » D'où cet appel provenait-il ? L'un d'entre nous ouvrit la porte, fit le tour de la maison, puis revint sans avoir trouvé la clé de l'énigme. Un vol d'étourneau, piaillant à qui mieux mieux, couvrit un instant le cri sépulcural. Puis ce dernier reprit le dessus, nous plongeant dans une grande perplexité. Après un moment de petite frayeur provoquée par cette voix mystérieuse, chacun de nous essaya d'en dégager l'origine. Nous nous disséminâmes dans l'appartement car le son semblait venir de partout et de nulle part à la fois. La voix plaintive finit par nous attendrir et nous aurions voulu pouvoir aider celui qui parlait, mais nous étions complètement démunis et ne savions que faire. C'est alors qu'on frappa à la porte. Je l'ouvris et me trouvai face à un curieux personnage vêtu d'une cape bleue et coiffé d'un bonnet de la même couleur, seules ses bottes étaient noires. Il se présenta poliment en disant « Excusez-moi de vous déranger, je m'appelle Van des Bois et je suis à la recherche de mon fils Brise Fraîche. Il a l'habitude d'entrer chez les gens, d'occuper tout l'espace et de dire, en grossissant sa voix, « Je suis fourbu, je suis très las, je voudrais que l'on me seconde pour ne plus perdre une seconde dans ma distribution de joujoux. » Je lui répondis, « Votre fils est bien ici, mais nous ne parvenons pas à le localiser. » Le curieux personnage nous apprit alors que son jeune fils était friand de courant d'air et qu'il suffisait d'ouvrir portes et fenêtres pour qu'il déserte les lieux. Nous fîmes ce qui nous était demandé et fûmes violemment repoussés vers un coin du salon par une sorte d'oiseau invisible dont nous entendîmes distinctement le battement des ailes. Puis tout rentra dans l'ordre. Je m'approchai alors de la porte pour prendre congé du visiteur, mais lui aussi avait disparu. Personne n'a jamais voulu croire à cette histoire, et pourtant...